garder le palais. Ça fera du bien si on se fait voler par Gad Elmaleh. 15 ans de peur, on n'est pas venu seulement passer le balai. Le fond, la forme et au plaisir de voir brasser le palais. Rien dans ce rap de merde pour faire du bif, sont prêts à parler de cam. Misère en palce et calme quand tout le tiercard se change en panier de crabe. Pourquoi l'avenir se résume à Bicraft dans un palier crade. Jamais ouvert un livre, l'ascenseur social se fera par les grammes. J'avais des rêves, j'aurais pu peindre en vert ou couleur chrome. J'ai plus confiance aux femmes à part ma daronne et mon Google Home. Trop loin du paradis car je me sens triste au fond de mon âme. Mes vieux démons ont fait de ma vie un rêve de Christopher Nolan. Écoute le suicide commercial, je pars des mariachis. Toujours le fond, la forme et le succès noyé dans une mare de shit. Mon but c'est pas de conquérir Paname comme les marchands d'Asie. On juge plus grâce à tes rimes mais grâce à ton merchandising. La route est encore longue, c'est plus pratique quand t'as le Cayenne. La galère d'une carrière sans l'ambition d'un Targaryen. Du rap conscient ne fait pas tout ce que nos démons t'ordonnent. Du multisyllabique et j'arrache tout comme un démon. On est les princes de la ville car y'a personne pour garder le palais. Ça fera du bien si on se fait voler par Gad Elmaleh. 15 ans de peur, on n'est pas venu seulement passer le balai. Le fond, la forme et au plaisir de voir grâce. On est pas les princes de la ville car y'a personne pour garder le palais. Ça fera du bien si on se fait voler par Gad Elmaleh. 15 ans de peur, on n'est pas venu seulement passer le balai. Le fond, la forme et au plaisir de voir brasser le pavé. Assertif, je suis figé dans le temps depuis plus de 100 ans. Est-ce que t'entends? Habité par des parasites, incubateur d'aliens sadiques. Cryogénie, je te vitrifie, je te figé, tu finis. Infirme à la exfétité morbide. Mon corps exhale vapeur méphitique. Mon rap épidémiologique provoque urine et allergie. Balèque de peau neuroleptique. Mental maudit, je m'auto-détruis. Choc brutal, anaphylactique. Posture miroir des ressentis. Je suis bien coli quand je ferme les yeux. Là enfin je kiffe, je suis pas les libre de la ville, car y'a personne pour garder le palais. Ça fera du bien si on se fait voler par Gad Elmaleh. 15 ans de peur, on n'est pas venu seulement passer le balai. Le fond, la forme et au plaisir de voir grâce. On est pas les princes de la ville car y'a personne pour garder le palais. Ça fera du bien si on se fait voler par Gad Elmaleh. 15 ans de peur, on n'est pas venu seulement passer le balai. Le fond, la forme et au plaisir de voir brasser le pavé. Brasser le pavé, brasser le pavé, brasser le pavé.